In Jesus' name. First of all, I will quickly say something concerning what somebody asked yesterday, one of the children. Ich werde kurz etwas teilen über das, was einer der Kinder gefragt hat gestern in der Predigt über das Thema Vergebung. If there is unforgiveness in the kingdom of Christ. Ob es Unvergebenheit im Königreich von Christus gibt. D'abord, je veux partager le message ou bien la question qu'une personne a demandé concernant le pardon. I thought there was no. Ich dachte, es gibt keine Unvergebenheit im Königreich Gottes. J'ai pensé qu'il n'y a pas l'impardonnance dans le royaume du Christ. Because you have never spoken to me. Weil mit mir noch nie darüber gesprochen hat. Parce que Dieu m'a jamais révélé ce message. But this morning he said yes, there is unforgiveness in his kingdom. Aber heute Morgen hat er mir gesagt, dass es Unvergebenheit gibt in seinem Königreich. Mais aujourd'hui le matin m'a expliqué qu'il y a l'impardonnance dans son royaume. Praise the Lord. Hallelujah. He said the unforgiveness is against Satan. Und diese Unvergebenheit ist gegen den Teufel, aber nicht gegen Menschen. Et il m'a expliqué que l'impardonnance est concernant Satan et pas sur l'homme. Praise the Lord. Hallelujah. You know, so many times after preaching, we just bring up things that are start revealing them to me more and more. Amen. Oft nach dem Predigen offenbart er mir danach nochmal viel mehr Sachen dazu. So he said there is some forgiveness in his kingdom. Er sagt, es gibt Vergebung in seinem Königreich. Il a dit qu'il y a l'impardonnance dans le royaume du Christ. Amen. Amen. Which is against Satan and not against man. Die gegen den Teufel ist und nicht gegen Menschen. Et c'est contre Satan et pas contre l'homme. Then he said, see, it is in Ephesians 4. No, Ephesians 4. Ephesians 4. He said, be angry and sin not. Don't let the sun go down against your anger. That's unforgiveness. Don't forgive Satan. Aber nicht sündigen, wütend sein und nicht den Teufel nicht vergeben. Dans Ephésiens 4, on a écrit. I don't know if somebody is getting it. Let's go to Ephésiens 4. Ephésiens 4. Praise the Lord. Hallelujah. It is not of. It's not. You know, there is Jesus even said. He said. You know, Peter asked him, he said, how many times are we going to forgive somebody? Then he said, 470 times, more than 400 times a day. Amen? Has somebody offend you? A day, not a month, not forever. Or for the whole year that you are going to spend on earth. Petrus hat gefragt, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, wenn er mir Unrecht tut? Und der Herr hat gesagt, 70 mal 7 an einem Tag. Un jour, Pierre a demandé à Jésus-Christ combien de fois on doit pardonner nos frères et sœurs. Et Jésus-Christ a répondu qu'on doit pardonner nos frères et sœurs 70 fois 7. Donc ça veut dire plusieurs fois par jour et pas seulement par an, mais vraiment tous les jours et chaque moment. And Peter replied Jesus with something. And that word, the reply was so interesting. Amen. Und Petrus hat dann darauf geantwortet. Et Pierre a répondu sur ce que Jésus-Christ a dit. He said, who knows the reply? He said, increase our faith. Hat gesagt, vermehre unseren Glauben. Because no one can do it. Denn keiner kann it's das impossible tun. Without Christ. Unmöglich ohne Christus. Pierre a répondu, Jésus-Christ, aide-moi d'avoir la foi. Parce que c'est impossible de le faire. Praise the Lord. Amen. No one can do it. No one can forgive. Just like Jesus said, we have to forgive. Niemand kann so vergeben, wie Jesus sagt. 490 times. Are you getting it? It's impossible without Christ. Et personne peut pardonner comme Jésus-Christ parce que c'est impossible sans Jésus-Christ. No wonder Jesus in Mark 10, he said, with man it's impossible, except with me. Deswegen I am God. I'm set with God. Mit dem Menschen all ist things möglich, are possible. Aber mit mir ist alles möglich. Are you getting it? Et c'est ça, Jésus-Christ telling, who was talking to us? C'est ça, Jésus-Christ a dit, avec l'homme c'est impossible, mais avec moi c'est possible. You know what he wants you to do, or what he wants for you with man is not, is impossible, except with him alone. Was der Herr für dich möchte, ist menschlich gesehen unmöglich, aber mit ihm ist es möglich. Vivre dans la volonté de Dieu, c'est impossible pour l'homme, mais avec Dieu lui-même, c'est possible. The life of God's children with man is not possible. Das Leben von Kindern Gottes ist except with Christ himself, that is possible. Unmöglich, is life, aber mit Christus ist es möglich. The life he gave us, to live it. La vie d'un enfant de Dieu, c'est impossible à vivre, mais avec l'aide de Dieu, c'est possible. And that's why when things are getting harder, you are not even to bother yourself. Also, wenn die Dinge schwerer werden, the more you will trust him, you are toast trusting. Umso mehr sollst du ihm vertrauen. Donc, ça veut dire, si les choses deviennent de plus en plus difficiles, c'est là où tu dois faire confiance à Dieu. Please understand it. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, look at Ephesians 4. Ephesians 4. Verse 26 and 27. 26 und 27. Ephesians 4, verset 27. It says, be ye angry and sin not. Be angry, but without sin. Who can do that? No one without Christ. Ephésiens 4, verset 26. Quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. The life he gave us is impossible life. Das Leben, was er uns gegeben hat, ist unmöglich. Is somebody getting something? Ça veut dire, la vie que Dieu nous a donnée, c'est impossible pour l'homme. It's a life that is impossible to live without him. Es ist ein Leben, was unmöglich ist, zu leben ohne ihn. C'est une vie impossible. The life he gave us to live is not a natural life. The earlier we know that, the better for us. Was er uns gegeben hat, ist kein natürliches Leben. Umso früher wir das wissen, umso besser für uns. Et la vie qu'il nous a donnée, c'est pas naturel, et puis on doit le savoir. You know, everything that there is not natural, they are supernatural. Das ist nichts Natürliches, alles ist übernatürlich. Parce que la vie d'un enfant de Dieu, c'est surnaturel. Why did Jesus, why did he, you know, he came here to live as a son of God, or, you know, as a son of God and as a son of man. You know, as a son of God, he lived here as a son of God so that he can teach us how to live as a son of God. Jesus ist hier gekommen, um als Sohn Gottes zu leben, um uns zu zeigen, wie wir als Söhne Gottes leben. Jesus Christ est comme fils de l'homme et fils de Dieu, donc fils de l'homme pour nous montrer comment vivre en tant qu'un enfant de Dieu. He does not want us to live the life of a son of man, but the life of a son of God. Wir sollen nicht wie Menschen Söhne leben, sondern wie Söhne Gottes. Et c'est comme ça aussi que Jésus-Christ veut qu'on vit comme un enfant de Dieu, ou bien fils de Dieu, pas fils de l'homme. But it is a pity that God's children, they are living the life of a son of man, and never even a little of a son of God. Aber es ist traurig, dass Kinder Gottes wie Söhne, Menschensöhne leben und nicht wie Söhne Gottes wirklich. Mais c'est vraiment triste que les enfants de Dieu vivent comme des fils de l'homme et pas des fils de Dieu. You know, our life as a son of God, then our life as a son of man. You know, they ask Jesus, with which authority are you doing this job? He said, because I'm a son of man. You know why? Because my body gives me authority to just live the life of my father here. Sie haben Jesus gefragt, in wessen Autorität machst du die Werke, die du tust? Und Jesus hat zu ihm gesagt, ich mache diese Werke im Namen des Menschensohnes, in der Autorität des Menschensohnes, weil der Menschensohn hat einen Körper und dieser Körper gibt ihm die Autorität, hier auf Erden zu wirken. Et on a demandé aussi Jésus-Christ avec quelle autorité il est en train de faire les choses qui ont des miracles. Mais Jésus-Christ a répondu que comme il est un enfant ou bien un fils de l'homme, son corps lui donne l'autorité de Without being a son of man, you cannot be here on earth. Denn ohne einen Menschen so zu sein, kannst du nicht hier sein. Because your body, without your body, you cannot be here. Du kannst ohne deinen Körper nicht hier sein. Amen. Et sans avoir un corps, tu ne peux pas être ici parce que tu as besoin d'un corps. But the life of a son of God is the life that Jesus came to show us, to teach us how to live. Aber das Leben als Sohn Gottes, das hat er uns beigebracht. Mais Jésus-Christ nous a montré comment vivre comme enfant de Dieu. You know, anytime Jesus speak, you know, he's always he never even consider Satan in anything. Wenn Jesus spricht, in most things he says, erachtet er den Teufel gar nicht. Jésus-Christ n'a pas considéré le diable. If you say, he said, as a son of man, that's why I'm able to do this. You know, people, you know, I heard a pastor preaching some time ago, years ago. He said, and that's why even believers can do anything here on earth. It's true, but they keep on choosing Satan. Amen. But you know, as God's children, the life he wants us to live is the life of a son of God. That is who we are. Ich habe mal eine Predigt gehört von einem Pastor, der sehr stark darüber geprägt hat, wie krass es ist, dass wir als Menschen einen Körper haben und mit diesem Körper so viele krasse Sachen hier tun können auf Erden. Aber der Herr möchte nicht, dass wir als Menschensöhne leben, sondern wir sollen als Söhne Gottes leben, auch wenn wir Menschen, auch Menschensöhne sind. Un jour un pasteur a prêché, il a expliqué que les enfants de ce monde font beaucoup de choses impossibles à cause de leur croyance. Mais Dieu a dit qu'il ne veut pas à cause de leur corps. Mais Dieu ne veut pas qu'on vit comme eux. Il veut qu'on vit comme des enfants de Dieu. You know, that of a son of man, I even want to divide it into two places. Amen. The original son of man. Are not the fake that Satan pollute. Und es gibt auch nochmal zwei Arten von Menschensöhnen. Es gibt erstmal den Urmenschensohn sozusagen, der den Gott erschaffen hat, vollkommen erschaffen before hat. Before. Und dann gibt es nochmal diesen Menschensohn, der halt verunreinigt worden ist durch den Sündenfall. Et je voudrais aussi faire une séparation entre les vrais enfants de Dieu et les enfants de Dieu qui ont été pollués par le diable. You know, because that of the original son of man, you know, that one is Christ himself. He wanted us to live like himself. You know, that is that very one and that of the son of man, son of God, they are the same. Before the fall. Are you getting it? But now, it is about, because after the fall, it is not, you know, as a son of man, living as a son of man, you will regret it. Eigentlich ist auch der Urmenschensohn ist sogar fast schon gleichzusetzen mit dem Sohn Gottes. Aber heutzutage, wenn wir als Menschensöhne leben, wegen dem Sündenfall, werden wir das bereuen. I don't know if you get it. As a son of man. As a son of your natural parents. Amen. Mm-hmm. L'homme qui a vu avant la chute de l'homme, normalement c'est un vrai enfant de Dieu, mais à travers de Jésus-Christ, nous devons. Je ne sais pas si c'est clair. Tu peux dire que le premier homme, il était en fait gleich zu sehen wie the son of God. Der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes, ne? Mm-hmm. Genau. Mm-hmm. Aber wegen dem Fall. Ist das jetzt alles so polluted gewesen, dass du kein Menschensohn mehr sein willst? Obwohl original, wie Gott das geplant hat, war ja eigentlich im Ebenbild Christus. Also steht ja auch in Genesis. Weißt du, wie ihr das meint? Sag einfach, dass früher... Ja, warte, willst du kurz machen? Okay. A la base... Le fils de l'homme, donc l'homme que Dieu a créé à son image, était comparable au Fils de Dieu qu'on peut être aujourd'hui. Mais à cause de la chute de l'homme, cet homme n'a plus la connexion avec Jésus-Christ, donc il a été pollué par Satan. Praise the Lord. Please, we have to know the difference. Amen. Wir müssen den Unterschied kennen. If we are living as a son of man, it's still different from that, from the world son of man. Mm-hmm. Amen. Und wenn wir als Menschensöhne leben, ist es immer noch anders als der Menschensohn dieser Welt. Et même si on vit comme enfant de l'homme, c'est différent comparé avec les enfants de ce monde. Look at verse 26 again. It says, be ye angry and sin not. Be angry but don't sin. Sünd ihr, so sündigt nicht. Amen. You know, religion believes that all anger, to be angry at all, is not of God, of Christ at all. Religion glaubt, dass zornig zu sein nicht von Gott ist. Et dans la religion, les gens pensent que être en colère, c'est pas de Dieu. You know, it's like that. I thought for so many years that Satan is the, you know, he brought death. He created death. Genauso auch wie mit dem Tod. Ich dachte mal früher, dass der Tod von Gott. Everybody, I don't know. Et c'est la même chose aussi avec la mort. Avant, j'ai pensé que c'est le diable qui a créé la mort. Because we never see anything good in death. Weil der Tod nichts Gutes ist für uns Menschen. Amen. Parce qu'on ne voit pas quelque chose de bien dans la mort. And people will say, how can a good God create death? Und Leute würden sagen, kann ein guter Gott den Tod erschaffen? Et le monde peut dire ou demander, comment peut un bon Dieu créer la mort? He created everything. Er hat alles erschaffen. Mais Dieu a tout créé. Including Lucifer. Auch Lucifer. Amen. Amen. Including death. Auch den Tod. Même aussi le diable, la mort. Satan is never a creator. Der Teufel ist kein Schöpfer. Et le diable est jamais un créateur. Let it take what God created and pollute it. Aber er nimmt das, was Gott erschaffen hat und verunreinigt es. Mais il prend toujours ce que Dieu a créé et le pollue. Praise the Lord. Alleluia. So also is anger. So ist es auch mit der Wut. Er kommt aus der la colère. Amen. Amen. He created us and gave us temper. Er hat uns erschaffen und sozusagen diese Wut gegeben. He wants you to be angry. Er möchte, dass wir wütend sind. Et Dieu nous a créé, il nous a donné aussi la colère et il veut aussi qu'on utilise cette colère. But let it be on the writing. What he wants you to be angry at. Aber lass zu, dass diese Wut auf die richtigen Sachen geleitet ist. Amen. Das, worauf du wütend sein sollst. Et la colère doit être concernant des choses correctes. What he wants you, if he wants you to be angry and you are not angry, it means you are disobeying him. Wenn wir nicht auf das wütend sind, was er sagt, dann missachten wir ihn. Si nous sommes pas en colère à cause, it's a command to be angry. Es ist ein Befehl, wütend zu sein. C'est un commandement d'être en colère. He said, be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Don't let your anger cool down. Let it be unforgiven. Dieser soll nicht sinken. Er soll unvergeben bleiben, sozusagen. Si tu es en colère, donc ici dans verset 26, on a écrit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Et notre colère ne doit pas, on ne doit pas pardonner dans notre colère. Because if you forgive, you are giving space to the devil to do his job. That's verse 27. Neither give place to the devil. Wir sollen auch dem Teufel keinen Raum geben. Don't give him a room. Space. Kein Platz geben. Verset 27. Ne donnez pas au diable l'occasion. Don't forgive him. De vous dominer. Ça veut dire aussi on ne peut pas pardonner le diable. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Then I will quickly go through salvation. Und dann spreche ich auch noch mal kurz über Rettung. Amen. Amen. Again. Amen. Amen. What the Lord wants us to go to, what He wants you to know about it, more things of it, amen. Mehr Dinge, die wir über die Rettung wissen sollen. Et je vais parler aussi du salut. He said, my fear, you know, let me just tell you, my fear is not, it's never not to sin. I'm not afraid of not to sin. Ich habe not to that to sin. Okay. Okay, what do you got? You put it. I'm not afraid of sin. To sin. Yeah. Yes, I thank you. Ich habe to keine Angst davor zu sündigen. I don't, I'm not afraid to sin. Good, good, good. Mm-hmm. Et je n'ai pas peur de faire un péché. Un péché. Un péché. My fear is not to sin. Meine Furcht ist nicht davor zu sündigen. Et je n'ai pas peur de péché. My fear is my fear is that I should stop believing him. That's my fear. Meine Furcht ist, are you getting it? Aufhören, an ihn zu glauben. Mais j'ai peur d'arrêter de croire Jésus Christ. The fear of unbelief. I don't want to stop believing him. That's my. I'm not after sin. I'm after, what I'm after just him. To keep on trusting him. Meine Angst liegt darin, dass ich ihm nicht mehr glaube, dass ich ihm nicht mehr vertraue. Et ma seule peur est que je ne fais plus confiance à Dieu. Because that is the only, that is the very thing he calls sin. Denn das to stop believing him. Ist die Sache, die er Sünde nennt. That's all. Parce que la seule chose que Dieu appelle péché, c'est l'incroyance. Are you getting it? In John 16. Johannes 16. Jean 16. I don't even remember to sin. I don't even. I never think of that. I don't. It doesn't come occur to me at all. All your call, all that comes to me is believing, to believing, to believing. Ich habe meinen Fokus nicht darauf, nicht zu sündigen, sondern ich habe meinen Fokus darauf, an ihn zu glauben. Et je ne me concentre plus à mes péchés, parce que si je commets un péché, mais je me concentre sur la foi en Jésus-Christ. What I'm afraid of is doubting him. I don't want to doubt him in, ich will ihn nicht anzweifeln. In a twinkle of an eye. Keine Sekunde. Amen. Amen. Amen. I don't want to doubt him at all. Et je ne veux pas aussi douter Jésus-Christ, même pendant un moment. Amen. You know, if you want to know things properly, you go to the origin, or the foundation, or the genesis, or the root of that very thing, of those very things. Wenn du etwas, if you want to know things, erkennen willst, dann musst du zur Wurzel dieser Dinge gehen. Si tu veux comprendre quelque chose, tu dois analyser les racines. And that's why when people ask you questions, or they come to you with things, or discussion, always go to the origin, which is Christ. Amen. Are you getting it? You go to Genesis. You go to the Genesis of it. If somebody asks you about death, you go, there's nothing here on earth that somebody is going to ask you that is not in the Bible. Amen. Wenn ich jemand etwas frage, geh immer zum Anfang, geh immer zum zu Genesis sozusagen, denn alles hat seinen Ursprung in seinem Wort und nichts, was hier auf der Erde passiert, ist nicht in Gottes Wort zu finden. Amen. Et si quelqu'un vient pour te demander une question ou bien veut discuter avec toi, tu dois toujours aller au début ou bien aussi analyser les racines. Mais dans la Bible donne aussi toutes les réponses à toutes ces questions. Because no matter what anyone said about anything, it is important to check what Jesus' attitude is towards that very thing. Denn es ist egal, was Leute über Dinge sagen, es ist wichtig zu wissen, was Jesus Christus darüber sagt. Amen. Amen. Amen. Es n'est pas important ce que les gens disent concernant une chose, mais c'est important de savoir ce que Jésus Christ dit concernant une chose. You know, he is the creator. So whatever he says is final about things. It's the real thing. Amen. Not imitation. You go to him. You always go there. Amen. Amen. Because he is the creator. He is the origin. He is the foundation. He knows all things. He knows those things there. Are you getting it? like if you want to operate on television, you know, there are people that, the manufacturer, they can operate on it more than you. Or this handy, amen? So you go to, that's why you have manual. That's that you go to. These people wrote it, amen? So also, we have our manual, which is Christ. Amen. That anytime, anytime, you know, anybody, people will come to you for different things, for advice, for whatever, but always learn to go to the principle, to the origin. You get it? Leute werden dich immer wieder Sachen fragen und es ist wichtig, dass wir immer wieder zum Ursprung aller Sachen gehen und der Ursprung aller Dinge ist Jesus Christus. Und es ist sozusagen wie, als ob du einen Fernseher bedienen möchtest und du weißt nicht, wie du mit dem Fernseher umgehen sollst. Was machst du? Du gehst am besten direkt zur Bedienungsanleitung, schaust dir die Bedienungsanleitung an, weil da haben die Leute genau aufgeschrieben, wie du mit diesem Fernseher umzugehen hast. Und das ist Jesus Christus für uns, das ist sein Wort für uns. Jésus-Christ est la source de tout sur cette terre. Donc, par exemple, si tu achètes une télé et tu as un problème avec l'installation de la télé, tu vas regarder le mode d'emploi. Et c'est ça la Bible pour nous. Donc, à chaque fois qu'on a quelque chose qu'on ne comprend pas, ou on veut connaître la source, la racine, on doit se référer à Jésus-Christ parce que c'est lui le créateur de tout. Again, let me say it again. You know, people are going to come to you for one, you know, for help, for advice. You know, your children go to their parents for things, amen? Mm-hmm. To advise, what, how am I going to do this thing? How am I going to act? How am I going to react? You know, you are always to prepare your heart. Du musst mal wieder dein Herz vorbereiten. On doit toujours préparer nos cœurs parce qu'il y a souvent des gens qui vont venir vers nous pour avoir des conseils ou quoi que ce soit. Mais nous, on doit se référer toujours à Jésus-Christ et checker nos cœurs. Prepare your heart to always go to Christ, the origin. He is the root of everything. You get it. Whatever they are coming to say to you or to discuss with you, Christ. Without Christ, they cannot even, you know, you don't give them the result of this world. You go to the foundation, who create the creator, you go to the creator and help them to know how this is up through the creator. Du gibst diesen Menschen nicht die Ratschläge dieser Welt, sondern du gehst zum Ursprung aller Sachen und das ist der Schöpfer selbst, das ist Jesus Christus selbst. Donc, on ne donne pas aux gens qui viennent vers nous pour les conseils, on ne leur donne pas les conseils de ce monde. On leur donne toujours Jésus-Christ, qui est le créateur et la racine de tout sur cette terre. Because he is the manifestation and the embodiment of the only true God. Denn er ist die Manifestation und die Verkörperung des einzig wahrhaftigen Gottes. Parce qu'il est la manifestation et... enfin, la personne qui représente Dieu sur cette terre. Therefore, whatever Jesus believed about anything is the truth and the only truth. Amen. Deswegen ist die Sicht von Jesus Christus die einzige wahrhaftige Sicht. Alles andere ist ein Lügner. C'est pour ça que la parole de Dieu, la manière de faire et de voir les choses est la vérité, est la seule vérité parce que. He is the only truth. Ist die einzige Wahrheit. Mais la seule vérité. Praise the Lord. Amen. And you have to allow him to be the truth, the only truth. Let God be truth and all others lies. Et maintenant, c'est à nous de le permettre à être aussi notre propre vérité. Praise the Lord. Amen. You know, sin, what did he call sin? Was hat Sünde genannt? Qu'est-ce que Jésus appelle un péché? Amen. People, religion, you know, different country, they have not described their different, what they call sin, countries, you know. Different countries, they have their ways of saying this is sin, this is not sin. Verschiedene Länder haben ihre eigenen Sitten und ihre eigenen Dinge, die sie Sünde nennen. Dinge, die in, keine Ahnung, Afghanistan als Sünde, als Straftat gelten, sind hier vielleicht nicht strafbar. Und umgekehrt, das ist auch der Fall. qu'est-ce que le monde appelle péché? Qu'est-ce que les pays différents appellent péché? Ce qui est par exemple un péché en Afghanistan n'est pas un péché forcément en Allemagne ou au Congo. And they see sin as, you know, they don't see sin as one. They see it as different grade. Amen. But God, you know, the Lord, he call it just one. Und für diese Leute ist Sünde singular. Für diese Leute gibt es mehrere Arten von Sünden. Es gibt kleinere Sünden, es gibt größere Sünden und es gibt verschiedene Arten von Sünden. Aber bei Jesus Christus gibt es nur eine Sünde. Pour l'homme, pour l'être humain, il y a plusieurs péchés, il y a des péchés différents, des différents degrés de péché. Pour Jésus-Christ, c'est seulement un péché. C'est singulier et pas pluriel. You know, in Nigeria, they hate this message a lot. This message of, you know, because they can't, they, for them it's all about sin. Und Nigeria mag man diese Art von Predigt nicht, weil es den Leuten dort immer um die Sünde religious geht. People. Weil Amen. Es den religiösen Leuten immer darum geht, dass Sünde nicht getan wird, nicht passiert. Et au Nigeria, par exemple, ils n'aiment pas ce message. Parce que pour eux, il s'agit souvent de combattre les péchés, donc de vivre sous la loi et pas seulement de voir un péché, mais combattre plusieurs péchés. Because they believe that, you know, grace lose people to sin. That's what they say. Weil die Leute dort denken, dass die Gnade dafür sorgt, dass Leute in der Sünde baden, sozusagen. Parce que ils ont l'opinion que la grâce de Dieu peut pousser les gens à pécher. If you go to Titus 2, amen. Titus 2. Look at verse 12. Verse 11 and 12. Verset 11 et 12. It says, for the grace of God that bringeth salvation had appeared to all men. Are you there, please? Mm-hmm. All men, not to some. Verse 12, it said, teaching us, the grace teach us, and not lead us. Are you getting something here? Mm-hmm. Teaches us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. That's the job of grace. Are you getting something here? En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de pied. That is the job of love. Das ist die Aufgabe der Liebe. Et ça, c'est le devoir de l'amour. You know, the reply to love is not hate, it's love. You get that? If I tell you I love you, you are going to tell me I love you, and not I hate you. Die Antwort auf Liebe ist nicht Hass, sondern Liebe. Parce que la réponse à l'amour est toujours l'amour et pas la haine. Grace, God kind of grace is love. That Jesus has a grace is love. Gottes Gnade ist Liebe. La grâce de Dieu est amour. It says here that he appeared to all men. Und sie ist allen Menschen erschienen. Et elle est apparue pour toute l'humanité. Then in the next chapter, next verse is not revealed to us the job of that grace. You know, if somebody say I love you, well, you are not going to hate that person for loving you. I know people use, you know, they misuse things a lot. Wenn jemand dich liebt, wirst du diese Person nicht deswegen zurückhassen, sondern du wirst sie zurücklieben. Und dennoch weiß ich, dass es Menschen gibt, die die Gnade Gottes leider ausnutzen. Für das Böse. Normalement, si quelqu'un t'aime, tu vas aussi faire un effort pour l'aimer aussi. Mais je sais que beaucoup de gens aujourd'hui, comment on dit, utilise la grâce de Dieu pour quand même faire du mal. You know, the system of this world is so evil. Das System dieser Welt ist so bösartig. Le système de ce monde est un système mauvais. If they know, if somebody know that you love him, he's going to punish you for loving him. Wenn Leute wissen, dass I'm experiencing. Amen. Wenn Leute wissen, dass du sie liebst, in dieser Welt werden sie diese Liebe ausnutzen. Sie werden dich missbrauchen, weil sie wissen, dass du sie ja eh liebst und dass du ja eh wieder zurückgekrochen kommst. Parce que dans ce monde, si tu montres ton amour à une personne, la personne va la voir comme faiblesse ou va essayer de se poser au-dessus de toi pour te manipuler. Praise the Lord. Alleluia. I thank God that my brothers and sisters in the natural, I thank God they have changed, they have got children. Amen. Mm-hmm. You know, I love them so much, and that love was being punished a lot. Und ich habe meine weltlichen Geschwister sehr geliebt und deswegen haben sie diese Liebe sehr krass immer ausgenutzt, als sie Christus noch nicht hatten und sie gegen mich verwendet. Je remercie Dieu que mes frères et sœurs terrestres accepté Jésus-Christ, parce qu'avant ça, je les aimais de tout mon cœur vraiment, mais ils ont abusé de mon amour. Amen. You know, they know that I always want to hear from them. I always want them to phone me to hear from them how they are doing, how they are faring. You understand me? But because they know how it is that I feel it when I'm not hearing from them. The slightest, if we are have there's any misunderstanding or anything at all that they have against me, they stop for me. Then I asked them, one of them even said it to me that she stops phoning because she knows that it will pain me if she stops phoning. Und weil sie dann halt wissen, dass ich halt weil sie wissen, dass ich sie liebe und ihre Gegenwart schätze, nutzen sie das dann halt aus. Und eine meiner Schwestern hat mir dann sogar gesagt, ja, wenn ich dir wehtun will, dann melde ich mich einfach nicht bei dir, weil ich weiß ganz genau, dass ich das so aufrücken, dass ich das verletzt, weil du mich halt so sehr liebst. Wenn ich dich bestrafen will, dann melde ich mich einfach bei dir nicht, weil ich weiß, dass dich das richtig nervt und dass dich das wirklich verletzt. Und das ist teuflisch. Par exemple, s'il y avait un petit souci entre nous, ils arrêtaient de m'appeler parce qu'ils savaient très bien que ça me faisait du mal, que ça me faisait mal au cœur si je n'entendais pas de leurs nouvelles. Et une fois même, une de mes sœurs m'a dit qu'ils le font ça, ils font ça exprès, ils font ça consciemment parce qu'ils savent que ça va me blesser et ils font ça pour me punir. If you look at here, it says, for the grace of God that bringeth salvation had appeared to all men. It's the same as John 3, verse 16. For God so loved the world. Are you getting it? It's talking about the love of God to the world. But what is the world doing to him today? They don't even want to know him. The same thing. In Johannes 3,16 steht, dass Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn hergab. Aber was machen die Menschen mit dieser Liebe? Was machen die Menschen mit diesem Geschenk? Verweigern sie das? Ignorieren sie das? Nutzen sie das aus? Et ce qu'on vient de lire dans Tite ici, c'est la même chose qui est écrit dans Jean 3,16, Johannes 3,16, que Dieu a vraiment aimé ce monde, il a tellement aimé ce monde qu'il a donné son fils unique. Mais qu'est-ce que ce monde fait avec son fils unique? Qu'est-ce que le monde fait avec sa grâce? The greatest freedom, what can free you from sin, is the grace of Christ. Amen. Was dich befreien kann von der Sünde, ist die Gnade von Jesus Christus. Ce qui peut te préserver du péché est la grâce de Jésus-Christ. How? By meditating on His love for you. Indem du über seine Liebe für dich nachsinnst. Et comment? Et tu dois te concentrer, tu dois méditer sur son amour envers toi. You know, if you want to fall in love with somebody, you remember, you meditate on how that person loves you. Wenn du dich in jemanden verlieben möchtest, dann sinnst du darüber nach, wie sehr diese Person dich liebt. Si par exemple tu veux tomber amoureux de quelqu'un, tu penses sans cesse à cette personne, et tu penses à l'amour de cette personne envers toi. I can see why Jesus said, meditate in my word both day and night, so that we will fall in love with him. Und deswegen sagt Jesus Christus, wir sollen Tag und Nacht in sein, über sein Wort nachsinnen, damit wir uns in ihn verlieben. Just as he loves us. Genauso wie er uns zuerst liebt. Are you getting it? It's too sad. Nous dit qu'on doit méditer sur sa parole jour et nuit pour tomber amoureux, pour avoir le même amour envers lui qu'il a envers nous. If love is one side, one-sided love is so painful. Eine einseitige Liebe ist sehr schmerzhaft. Parce que l'amour a sens unique, un sens unique et crée beaucoup de douleur, crée beaucoup de chagrin. Praise the Lord. Amen. Amen. Let us go to Matthew 10. Matthieu 10. Matthieu 10. Praise the Lord. Hallelujah. We cannot go to that of choice today. We will, I'm sure, by on Sunday, by God's grace, we will be there. Amen. Amen. And continue with our topic. Amen. Amen. I know some of us are already waiting for it. Amen. Amen. Somebody like Tania. Praise the Lord. I know my daughter so much. Matthew 10. Matthäus 10. From verse 34. 34 to 37. De 34 à 37. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said, take note that I'm come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. Somebody there. Mm. Amen. Amen. Then in verse 35, he said, for I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's foes shall be they of his own household. Verse 37, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. He wants you to love him. Er möchte es für ihn lieben. Dieu veut que Dieu vous aime. Mm. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle fille à sa belle mère. On aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Praise the Lord. Hallelujah. He said, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Are you getting something? He really wants us to love him. Er möchte, dass wir ihn lieben. Il veut vraiment qu'on l'aime. No matter how hard it is. Egal wie hart es ist. Peu importe que ce soit difficile ou pas, mais you're loving him and bring a fight into the natural family. Und das wird are you getting something? Eventuell Streit bringen die natürliche Familie. L'amour qu'on a envers lui peut même ramener une division dans la famille. You know, you're choosing him, you're loving him, and bring a fight between the natural family. Husband and wife fighting, children and parents fighting. He said, but he, you know, look, he said, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. Are you getting something? Amen. Amen. Er sagt, das wird vielleicht Streit bringen und Diskussionen bringen in die natürliche Familie. Aber wer halt nicht ihn mehr liebt als all diese anderen Menschen, wird, ist seiner nicht wert. Donc ça peut amener des combats, des divisions dans les familles, mais Dieu lui-même nous dit que celui qui aime les êtres humains plus que lui-même n'est pas digne de son amour. Because one of my children said to me when after preaching the message, he said, yes, God wants us to have peace in the family, peace. You know, he is saying here that there will be no peace without him. Und es gibt Menschen, die sagen, ja, Gott will nicht. Some peace and not the peace of this world. Frieden haben unsere Familie, Frieden, aber es geht um seinen Frieden und nicht den Frieden dieser Welt. Donc, faut comprendre ce que est vraiment la paix. La paix de Dieu, la paix de Jésus-Christ n'est pas la paix de ce monde. Religion is after that of this world. The peace of this world. Denn Religion ist nach dem Frieden. They fight for it. In dieser Welt her. Sie kämpfen darum. Et la religion, par exemple, elle veut avoir la paix, mais la paix de ce monde, la paix dans la famille, par exemple, n'est pas la paix du Christ. If you really belong to Jesus Christ, you will have peace with your brothers and sisters. You will have peace. That is not Christ. That is opposite. If you really believe on Jesus Christ, you know it's better there is war at all because you choose Jesus Christ than there is peace for rejecting Christ. Und es ist eine Lüge, dass man sagt, wenn du Christus wirklich willst, dann wirst du den weltlichen Frieden deiner Familie haben. Das stimmt nicht, es ist sogar das Gegenteil. Es ist besser sogar in Krieg zu leben, sozusagen in der Familie, als den falschen Frieden von dieser Welt, der dann bei dir zu Hause regiert, aber der dich dann deine Beziehung und sogar deine Errettung mit Christus kosten wird irgendwann. Donc la religion souvent nous dit que ouais, si tu es vraiment un enfant de Dieu, un fils de Dieu, que tu vas avoir paix avec tout le monde, surtout dans ta famille. Mais il faut savoir qu'il est même mieux d'avoir une guerre dans la famille pour Jésus-Christ, parce qu'on a choisi Jésus-Christ, mais de plutôt avoir la paix dans la famille parce qu'on a rejoint notre famille mais rejeté Jésus-Christ. I thank God for those that can choose Jesus Christ and reject everything. Ich danke Gott für die Menschen, die sich für Jesus Christus, entscheiden und damit alles andere hinter sich lassen. Je remercie Dieu vraiment pour les gens qui arrivent à rejeter ce monde et seulement vivre pour Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. It is as if they are alone, but they are never alone. Amen. Es scheint so, als ob sie alleine sind, aber sie sind nicht alleine. Ça peut paraître comme s'ils étaient seuls, mais ils sont jamais tout seuls. Amen. Amen. And that's why you know we have to check out the spirit in us. Wir müssen den Geist, der in uns wirkt, prüfen. C'est pour ça qu'on doit prüfen. On doit. Ça tient à checker, on va checker ce fait. Prüfen. Examiner. Qu'on doit. Ouais, on a examiné l'esprit qu'on a en nous. Amen. Amen. We are talking of the message of yesterday. Prove everything. Die Botschaft von gestern, wir sollen alles prüfen. Prove the peace in the family. Wir sollen den Frieden in der Familie prüfen. Is it based on Christ or based on flesh? Ist dieser Frieden basiert er auf dem Fleisch oder auf Christus? Compromise, full of compromise. C'est pour ça qu'on doit vraiment vérifier l'amour qu'on a dans nos familles, la paix qu'on a dans la famille. Est-ce que c'est une paix ou l'amour de ce monde ou vraiment l'amour de Dieu ou la paix de Dieu. You know, so the worst part of it is those that even call themselves God's children. They fight you for choosing Christ. Das Schlimmste ist, dass die Leute, die dich Kinder Gottes nennen, sie bekämpfen dich sogar dafür, dass du dich für Christus entschieden hast. Et ce qui est vraiment grave, ce qui est paradoxe, c'est que les gens qui s'appellent eux-mêmes enfants de Dieu te combattent parce que tu choisis Jésus-Christ, parce que tu choisis son amour, sa paix. Instead of them to say thank you for doing what I cannot do, or what I could not do, I could not choose Christ, but you are able to do it. Thank you. Anstatt sich dafür zu bedanken, I'm proud of you. Ich bin stolz auf dich, dass du das durchgezogen hast, was ich nicht durchziehen konnte. Aber stattdessen bekämpfen sie dich. Das ist traurig. C'est triste parce que normalement ils doivent te féliciter, ils doivent te remercier même pour et dire merci de pouvoir faire ce que moi j'ai pas pu faire, merci de pouvoir suivre Jésus en toutes circonstances et Même pas, c'est le contraire, même ils vont te combattre. There are three groups of people, as the Lord revealed it to me. Der Herr hat mir drei Arten von Menschen offenbart. Le Seigneur m'a révélé trois hommes différents. One, the natural people. Die natürlichen Menschen. Il y a l'homme naturel. Number two, religious people. Dann die religiösen Menschen. Il y a l'homme religieux. Number three, Christ people. Dann Nummer 3, Christ family. Familie von Christus. Et numéro 3, c'est le fils de Dieu, la famille de Dieu. You know, you have to prove, check where you belong. Wir müssen prüfen. Among the, those three, amen. Wir gehören. Et c'est à nous maintenant de vérifier lequel de trois on est. You know, the natural people and religious people can never understand Christ's message. They can never understand it. They question die natürlichen Menschen, die religiösen Menschen werden Christus nicht verstehen können. Les hommes naturels et les hommes religieux vont jamais comprendre la parole de Dieu. Because, you know, Christ's message, according to 1 Corinthians 2:14, he said they are spiritually discerned. That's Christ's message. Christ's message is spiritually discerned. Sie werden die Botschaft von Christus nicht verstehen, weil sie geistlich beurteilt werden müssen. If you can quickly go there. Amen. La Bible dit que les gens religieux vont jamais comprendre la parole de Dieu parce que la parole de Dieu a été écrite spirituellement, on peut dire. That's why for them to believe it's only one sin is almost impossible. Deswegen fällt es ihnen to schwer, believe like glauben, Jesus, what Jesus dass believed. Es nur eine Sünde gibt, so zu glauben, wie Jesus glaubt. C'est pour ça pour eux, ça ne va jamais être possible de croire que le péché est singulier et le péché est de croire en ce que Jésus-Christ a cru. Look at verse 14 of 1 Corinthians 2. 1 Corinthians 2, verse 14. It's about the natural man. 1 Corinthians 2, 14. He said, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. This message here, for somebody to understand it, you have to take, it takes the power of the Holy Spirit. Pour comprendre la parole de Dieu, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Je vais lire 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce que vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie et il est incapable de le comprendre. Car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Amen. Why? Because they are spiritually, the message, you know, what you are listening to, they are spiritually discerned. It takes the power of the Holy Spirit to be able to understand Amen. It. And that's why babies can hardly understand it. So you can babies nicht verstehen. Ce qu'on entend, la parole de Dieu vient de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que les petits enfants, par exemple, les gens qui sont encore matures dans Jésus-Christ, ne jamais comprendre le message. And that's why to understand John 16 is so, you know, the Bible as a whole. To understand it, you know, this John 16, religious people, for them to understand it is without Christ, without submission to Christ, it's impossible. Mm-hmm. We have viewed it. Wenn sich religiöse Leute dem Herrn nicht übergeben, werden sie das nicht verstehen, Johannes 16. C'est pour ça que la plupart des gens ne vont pas comprendre Jean 16, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit Saint avec eux, en eux. From verse 8, he said, and when the Holy Spirit is come, he will reprove the world of sin. He will help us to know what sin is. And of righteousness and of judgment. Verse 9, of sin because they believe not on me. That's all. Not fornication, not lying, not stealing. The same as the first, that of the, remember Genesis, yeah. That Adam did not believe God. If Adam believed God, he will not eat that fruit. Amen. Same thing. Is Jesus saying here? Hätte Gott, hätte Adam Gott geglaubt, hätte er nicht diese Frucht gegessen, er hätte ihn nicht missachtet und diese Sünde begangen. Aber sie glauben das nicht. C'est comme Adam qui n'a pas cru en Dieu et c'est pour ça qu'il avait mangé le fruit. I'm not here to preach what they believe. I'm here to preach what Christ wants me to preach. Amen. Aber ich bin nicht hier, um das zu predigen, was sie glauben, sondern das zu predigen, was Christus sagt. Amen. Mais je suis pas ici pour prêcher ce que les gens religieux croient, mais plutôt ce que Dieu veut de moi de prêcher. And that is why, you know, I don't even mind about people's opinion. C'est mir die Meinung der Menschen egal. C'est pour ça l'opinion des gens ne m'intéresse pas vraiment. But I'm happy if you say the message bless you. But you know, for me, it's what he gave me to give. Mm-hmm. Aber ich freue mich dennoch. And I'm happy if he bless you and you understand it. I'm happy. Wenn die Botschaft euch segnet und es freut mich, aber das ist nicht mein Ziel. Ça me fait plaisir d'entendre quand vous me dites que vous avez compris le message et que le message vous aide, mais à la base c'est pas la raison pour laquelle je prêche. Je prêche parce que c'est ça qu'il veut de moi. Il me donne ce message pour le donner, pour le transmettre à vous, et c'est tout. You know, Christ's message is for freedom. Die Botschaft von Christus is freedom. Befreit. Amen. La parole de Dieu libère. You know, if you don't believe, you will never be free. Wenn du nicht glaubst, wirst du nicht frei. You will be in bondage. Du wirst in Gefangenschaft sein. Et si tu crois pas, si tu crois pas, tu seras jamais vraiment libre. Tu seras bondage. Gefängnis. Ouais, tu seras pas libre. Tu seras emprisonné, ouais. Tu seras en Praise the Lord. Alléluia. You know, I'm free because I believe it. But you are the one that have problem if you refuse to believe. Ich bin frei, weil ich daran glaube. It's your business. Aber du hast ein Problem, wenn du nicht daran glaubst. Und es ist deine Sache, deine Entscheidung. Amen. Moi, je suis libre parce que je crois vraiment. Est-ce que toi, tu es libre? Est-ce que tu crois vraiment? You know, if people don't believe, it's as if they are punishing the pastor. Are you punishing me or you are punishing yourself? You are the one that remains in prison. You are the one in bondage and not me. I'm already free. Wenn Leute nicht are you glauben, getting it? I don't believe you. I don't believe it. What do you... Do I even care? Wenn Leute nicht glauben, denken sie, dass sie den Pastor damit quälen oder den Pastor damit, keine Ahnung, zur Last fallen. Aber es ist ja ihre Sache, denn ich bin ja frei. Ich glaube ja an das, was ich hier predige. Aber die Frage ist, bist du frei? Du wirst ja in Gefangenschaft dann bleiben. Und das macht ja dann nichts mit mir. Ich verkaufe ja hier nichts. Souvent les gens pensent que si je crois, si les si ils croient pas vraiment en Dieu, que ça fait du mal ou du tort au pasteur. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que le pasteur peut être déjà sauvé ou même plus être sous l'esclavagisme. Mais est-ce que toi vraiment tu es vraiment sauvé ou tu vis encore sous l'esclavagisme? Parce que ce qu'on doit comprendre, c'est que le salut est personnel, donc ta foi aussi est personnelle. Donc c'est à toi-même de voir si tu es vraiment libéré ou pas. You know, the Pharisees, they were never free because they refused to believe Jesus. Les pharisiens, sie waren niemals frei, weil sie sich geweigert haben, an Jesus zu glauben. Amen. Les pharisiens, par exemple, n'ont jamais été libres parce qu'ils ont pas voulu croire en Jésus-Christ. They could not understand Jesus. Sie konnten Jesus nicht verstehen. Ils pouvaient pas comprendre Jésus-Christ. Because, you know, they refused to submit to him. Denn sie haben sich geweigert, sich ihm hinzugeben. Parce que c'était pas prêt à se soumettre à lui. Because until you submit to Christ, you can never understand him. Denn erst wenn du dich ihm hingibst, wirst du ihn verstehen können. C'est seulement après avoir se soumettre à Dieu que tu peux vraiment comprendre à Jésus-Christ que tu peux le comprendre. It needs total submission to Christ to understand Christ. Es braucht totale Hingabe zu Christus, damit du Christus verstehst. On doit se soumettre totalement pour comprendre Jésus-Christ. You might not understand, but understanding will come later, but you submit to him. Du wirst es vielleicht nicht verstehen, aber believe him and submit to him. Glaube ihn und gebe dich ihm hin. Même si tu comprends pas directement, tu dois te soumettre à lui et petit à petit le Saint-Esprit va tout te révéler. So many messages he gave me to preach. I don't understand it, but I just submit to him and I preach it. And later the understanding is coming. I'm getting it. I say, Father, thank you. You learn to submit to him. Call what he called things, call those things. Amen. What he loves, what he called evil, call it evil. Are you getting it? Amen. Learn to call it evil. What he called things, call them what he called them. That is the beginning of submission to Christ. Wir geben uns Jesus Christus hin, indem wir Dinge so sehen wie Christus, indem wir das glauben, was Christus sagt, indem wir das akzeptieren, was er akzeptiert, und das verweigern, was er verweigert. So setzen wir unsere eigene Meinung oder unsere eigenen Ansichten unter seine Ansicht, weil wir uns ihm hingeben, seiner Weisheit untergeben. Donc on va se soumettre totalement à lui. Par exemple, quand il me donne des messages, de temps en temps je ne les comprends pas forcément, mais c'est après avoir prêché, peut-être après quelques jours ou directement après, que je comprends et que l'Esprit Saint m'aide à comprendre le message. Donc on doit détester ce qu'il déteste, on doit voir les choses de la même manière que Jésus-Christ. The whole world is full of problems today. Die ganze Welt ist voll von Problemen. Ce monde est rempli de problèmes. Amen. It's not the problem of fornication, stealing, lying, killing. It's the problem of not believing Christ. That's the problem that is everywhere today. But then we want to see it as the other side. Nicht an Christus glauben, das ist das Problem. Aber sie wollen, dass das Problem etwas anderes ist. Donc le monde croit que les guerres, tuer les gens, les mensonges, ou quoi que ce soit, n'importe quel péché sont les problèmes de ce monde. Mais le seul problème que le monde a est de ne pas croire en Jésus-Christ. You know, the Christians, the religious people, you know, they will say it's sin that is the problem of this world today. But it's true, it's sin. But what do you call sin? Is it what Jesus calls sin? Or what you call sin? Nennst du das Sünde, was Jesus Sünde nennt, oder nennst du das Sünde, was du Sünde nennst? C'est peut-être vrai que le problème de ce monde est le péché. Le truc, c'est que faut savoir maintenant ce qui est vraiment un péché dans les yeux de Jésus-Christ. Pas ce que le monde appelle péché, mais ce que lui appelle péché. It is what Christ calls sin that is the problem everywhere today. Das, was Christus Sünde nennt, das ist Christ. Sünde. Und das ist, ihn zu verweigern, nicht an ihn zu glauben. Rejeter Jésus-Christ, ne pas croire en Jésus-Christ, c'est ça le problème que ce monde a et c'est ça le seul péché valable. What man calls sin has been paid for. Denn das, was der Mensch Sünde nennt, das wurde bezahlt am Kreuz. Parce que le prix a été payé pour ce que le monde appelle péché. What man calls sin is the fruit. Das, was der Mensch Sünde nennt, ist die Frucht. Parce que ce que le monde appelle, ce que l'homme appelle péché est seulement le fruit et pas la racine. Fornication is a fruit of not believing Christ. Stealing is a fruit of not believing. Because if you believe him, then you know. Are you getting it? Es ist eine Frucht von Unglauben. Par exemple, voler est le fruit de la désobéissance à Jésus-Christ. Donc si tu, enfin, tous les péchés qu'on peut commettre. Ça arrive parce qu'on ne croit pas en Jésus-Christ. Parce que si on médite seulement sur Jésus-Christ, on est focalisé sur Jésus-Christ, on ne va même pas penser à pécher. What Christ calls sin is the root and not the fruit. Parce que Christus die Sünde nennt, ist die Wurzel, nicht die Frucht. Ce que Dieu lui-même appelle péché est la racine, la source, et pas le fruit. Religion try to solve the fruit, to solve the root, the fruit. It's all about the fruit. But the root remain, not believing Christ. And that is the, you know, that problem is so great that, you know, the problem keep on coming. Religion versucht die ganze Zeit, die Frucht der Sünde zu beseitigen und zu bremsen und einzudämmen. Aber dabei bleibt die Wurzel, nämlich der Unglaube an Jesus Christus, immer noch da. Und deswegen werden diese Früchte immer wieder nachwachsen, egal wie sehr man dagegen kämpft. Donc, et c'est ça le problème de ce monde, ou la religion par exemple. Ils essaient toujours de combattre les péchés, donc de combattre les fruits au lieu d'aller vers le fond, d'aller en profondeur vers la racine et où il y a vraiment le vrai péché et de pas croire en Jésus-Christ. C'est ça vraiment le grand problème qu'on a. The problem is not the fruit, but the root. Amen. Das Problem ist nicht die Frucht, sondern die Wurzel. Le problème n'est pas le fruit, mais la racine. Men are religion after the fruit. But Christ Religion ist hinter der Frucht. For him is about the root. Aber Jesus and that is how we Wurzel. Are to see things. Und we, so sollen you die Dinge auch sehen, du und ich. Amen. You better learn it. It's very, very important das for us. Das müssen wir lernen. C'est pour ça qu'on doit vraiment apprendre à attaquer la racine et pas seulement le fruit. On doit être comme Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il va toujours vers la racine et pas vers le fruit. Praise the Lord. Hallelujah. Remember a place where Jesus said, if the root is bad, the fruit will be bad. Erinnert euch daran, dass Jesus sagt, wenn die Wurzel schlecht ist, wird auch die Frucht schlecht sein. Jésus-Christ lui-même dit que si la racine est mauvaise, le fruit aussi sera mauvais. Amen. Amen. I remember something. Some people phoned me. Some of our, you know, God children. They phoned me and they said, "This laughter that I laugh." Say they laugh it, you know. They said them. One of them said, he asked the Holy Spirit, "What is it about?" He said the Holy Spirit told him that is the movement of the Spirit. Said okay. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If the root is bad, there is, you know, the fruit might be so beautiful, but it's evil. Wenn die Wurzel schlecht ist, dann kann die Frucht noch so toll und gut und saftig und strahlend aussehen. Dennoch ist es teuflisch. Mais si la racine est mauvaise, le fruit peut paraître beau, bien juté et tout, mais quand même, le fruit sera toujours mauvais parce que la racine est mauvaise. Salvation is about the root and not the fruit. Bei der Errettung geht es um die Wurzel, nicht die Frucht. Dans le salut, il s'agit de la racine et pas du fruit. Mm. If somebody asks what is sin, they go to what Jesus calls sin. Wenn jemand dich fragt, was and not what man and religion calls sin. Dann geht zu dem, was Jesus so nennt, nicht das, was Religion Sünde nennt. Si par exemple quelqu'un te demande qu'est-ce qui est le péché, va vers la racine, va vers la source et donne-lui la réponse que Jésus-Christ lui donnerait. Que... You know, that is, you know, if you go to where, you know, that what Jesus calls sin, what he calls sin, and that is where the Holy Spirit can help those people. The Holy Spirit is for Christ's sake. What Christ called sin, sake. What Christ, whatever Christ called sin, that is where, that is the presence of whatever Christ called things. The Holy Spirit appear. Are you getting it? He's the one now walking. Amen. Because without him, without Christ himself, you cannot believe that what Christ called sin is sin. Mm. Ohne Christus selbst wirst du nicht glauben können, dass das, was er Sünde nennt, wirklich Sünde ist. Und wenn wir diese Erkenntnis mit den Menschen teilen, dann kann der Herr, der Heilige Geist auch da wirken. Aber wenn wir die Erkenntnis dieser Welt verbreiten, über die natürliche Sünde, dann kann der Heilige Geist damit nicht arbeiten. Si, si par exemple quelqu'un vient vers toi et te demande qu'est-ce qui est un péché, donne-lui la réponse que Jésus-Christ lui donnerait. Dis-lui que le péché et le pas croire en Jésus-Christ. Et c'est seulement là qu'on donne la place au Saint-Esprit à pouvoir révéler la vérité à ton prochain. Parce que si tu lui donnes pas Jésus-Christ, il n'y a pas de place pour le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est notre enseignant. It is what he calls sin that you are to call sin. Please learn it. Das, was er Sünde nennt, das sollen wir Sünde nennen. Ce que Dieu appelle péché, c'est ça que nous aussi on doit appeler péché. That is how you submit to him. So, sit in the way he sees them. Indem wir Dinge so sehen, wie er sie sieht. On doit voir les choses comme lui voit les choses. C'est comme ça qu'on se soumet à lui. Praise the Lord. Hallelujah. You submit your five senses to Christ. Vous devez seine fünf Sinne Christus. Donc tu soumets tes cinq sens à Jésus-Christ. How? By calling things what he called them. Submit your five senses to Christ. Wie der Herr sie nennt. Donc en appelant les choses comme Jésus-Christ appelle les choses. C'est comme ça qu'on se soumet à Dieu. You might not understand it, but you understand it will come later. But you believe it and just leave it. You can leave it. Même si tu ne comprends pas directement, tu crois fermement et petit à petit le Saint-Esprit va te révéler, va se révéler. Amen. Amen. In verse 9 again, he said, of sin, just one sin. One. Il y a un seul péché, pardon. Not plural. Nicht Mehrzahl. C'est pas pluriel. Which is they don't believe on me. Das nicht an ihn glauben. Et c'est pas croire en lui, c'est ça le seul péché. Religion hates it so much. They hate it. La religion déteste ça. The purpose Jesus came is not just to forgive sin. Der Grund, weshalb Jesus gekommen ist, ist nicht nur. Now that is the message of religion today. Christians. Donc la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, c'est pas seulement pour. It is not just to forgive sin. That is not. Nicht nur Sünde zu vergeben. Pas seulement pour pardonner les péchés. That's why if you see churches today, there's nothing there. No, the power of Christ is not there. Christ is outside. He's not in the church today. Mm-hmm. Look at everywhere. C'est pour ça que la présence de Dieu manque dans la plupart des églises aujourd'hui parce qu'ils ne ils connaissent pas la parole de Dieu. The absence of Christ, it means the presence of Satan. Mm. Die Abwesenheit That's the meaning. Ist die Gegenwart des Teufels. Ouais. Mais il faut savoir que l'absence de Jésus-Christ veut dire la présence du diable. You know, look at those that believe their sins are forgiven them today. Their sins, you know, they call it plural. Their sins are forgiven them today. Look at their life. Look at their life. Can you see the fruit of the Spirit in their life? Observons par exemple les gens qui disent que leur péché leur ont été pardonnés. Mais ça n'a pas l'air d'une personne prospère. It takes relationship with Christ to bear the fruit of the Spirit, what Christ called his own fruit. It takes relationship with him. John 15 says you will bear fruit. Then we will bear fruit. On va rapporter le fruit comme il est écrit dans Jean 15. Mais pour ça, on a besoin de Jésus-Christ. On a besoin que Jésus-Christ soit cette racine en nous qui pourra donner fruit. C'est des bons fruits. Praise the Lord. Alléluia. Look at verse 16 of John 15. Jean 15. Verset 16. Oh, first of all, verse 4. Verse 4. D'abord. Then we will go to verse 16. Amen. Vers 16. 15. He said, abide in me, and I in you. That's not about forgiveness of sin. Johannes 15. It's more than that. Verse 4. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Ça c'est. Il n'y a rien écrit de. Il n'est pas écrit que de pardonner les péchés. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abides in the vine, no more can you, except you abide in me. He said, for the branch to bear fruit, you have to abide by the root. Damit, are you getting it? Der Baum Frucht bringt, musst du am Stamm bleiben. Was it feel? Did you read 5? Vier. Yeah, not first, 4 and then? Elle a continué avec 4. Elle a continué avec 4 après 5 ou pas? Non. Ah ok, c'est toujours 4. Okay. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un serment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Even before verse. Okay, verse 4 also. Mm-hmm. You can say, abide in me and I in you. You see? Then in verse 8 also, look at it. It says, herein is my Father glorified. That you bear much fruit, so shall you be my disciples. Fruit. The fruit, what Christ called fruit. The fruit of the Spirit, Galatians 5, 22 and 23. Galater 5, 23 bis 25, das, was Jesus Christus Frucht nennt, die Frucht des Heiligen Geistes. Galater 5, Galater 5, was war das? 22 bis 25. De 22 à 25, là, la Bible nous explique encore ce que Dieu appelle fruits, les fruits de l'esprit. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous pouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, look at verse 16. Sera glorifié aux yeux de tous. Verset 16 maintenant. He said, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you. That you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. Not just bearing the bed, your fruit should remain. That whatsoever you ask, you shall ask of the Father in my name, he may give it you. Through the fruit, you have victory. Durch die Frucht haben wir, are you getting something? Gelingen. À travers nos fruits, on sera gagnant. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Amen. Praise the Lord. Amen. The purpose of Christ's coming is he wants us back into his kingdom. La raison pour laquelle Jésus-Christ est venu est qu'il veut qu'on puisse revenir dans son royaume. Der Herr möchte uns zurück in sein Königreich. We were out of his kingdom. Wir waren raus aus the fall of man was. You know, man was out of his kingdom. Durch den Sündenfall sind wir aus seinem Königreich rausgegangen. À cause de la chute de l'homme, on n'était plus dans le royaume des cieux. He came to bring us back there. Und er kam, um uns wieder zurückzubringen. Et Jésus-Christ est venu pour nous y ramener. Amen. Amen. In Matthew 4:17, he said, "Repent, you know, repent, for the kingdom of heaven is at hand." In Matthäus 4:17 steht geschrieben, wir sollen umkehren, denn das Königreich Gottes ist nah. Es kommt bald. Matthieu 4, 17 nous dit à partir de ce moment, je suis commencé à prêcher en public en disant changez car le royaume des cieux est proche. You are finished. Okay, thank you. In Matthieu 18, verse 1 to 3, he taught us how to inherit that kingdom. In Matthäus 18 steht geschrieben, wie wir dieses Königreich erben können. Matthieu dit comment on peut hériter ce royaume. He said, until we are converted like these little children, we are not there. Wir müssen wie kleine Kinder sein. Ansonsten können wir nicht in seinem Königreich sein. On doit être comme des petits enfants, sinon on n'aura pas accès à son royaume. You submit to him like a baby submits to the parents. Mm. Wir müssen uns Christus unterordnen, so wie Kinder sich ihren Eltern unterordnen. On doit se soumettre à lui comme des petits enfants se soumettent à leurs parents. You know, babies never argue with their parents. Babys streiten sich nie mit ihren Eltern. Les bébés, par exemple, ne se disputent jamais avec leurs parents. You know, they want to go from here to go Kafashan or whatever. You know, they never ask questions. The mother just dressed them, pimp, they are gone. Amen. Wenn die, wenn die Eltern verreisen wollen, stellen die Kinder keine Fragen. Sie gehen einfach mit ihnen. Ja, si par exemple, les parents veulent partir en voyage, ils font les valises et habillent les enfants et ils partent sans discussion. You know, there are children, there are some that argue with their parents. They are no longer children. That is those, there is not those that, that is what, not what Christ. You know, that is how there are a lot of us that argue with Jesus Christ today. The same thing. Gibt einige von uns, die mit Jesus Christus diskutieren. Qui discutent avec leurs parents. Si par exemple un petit enfant commence à discuter avec ses parents, ça veut dire que c'est plus un enfant. They say, why is it one sin? It's not one sin. Why are they stealing, lying? So, you know, it's not one sin. You know, they want to argue. They want to tell him they know more than him. Sie wollen mit Jesus diskutieren und ihm sagen, dass sie es besser wissen, dass sie besser wissen, was Sünde ist, weil sie selber die Sünde tun und genau wissen, was Sünde ist und was nicht Sünde. Ils essaient d'expliquer à Dieu ce que veut dire le péché. Go to Matthew 25, please. Matthew 25. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 25, verse 34. Matthew 25, verse 34. He said, then shall the king say unto them on his right hand, come, you blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. From the beginning of time. Von Gründlegung der Zeit. For him it's about his kingdom. Are you getting it? Ihm geht's um Can you see? Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Ce qu'il faut souligner, c'est que le royaume des cieux était là pour nous depuis la création du monde. He said at the end, you know, he is welcoming you today, that you are able to land in his kingdom. Amen. Amen. Amen. Prepare for you from the foundation of time, because that is all about. It is all about his kingdom. Es geht sein Königreich. Not about forgiveness of sins. Nicht um die Vergebung der Sünden. Il s'agit de son royaume, mais pas du part du monde des péchés. Merci. Amen. Amen. For the Lord, it is all about his kingdom. Für den Herrn geht es nur sein Königreich. Praise the Lord. Et ce qui est important, c'est son royaume. Amen. Amen. Amen. You know, the beginning of his ministry, Matthew 4. Verse 17. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Tut Buße, das Königreich Gottes ist nah. I'm here with another kingdom, my own kingdom. Ich bin hier mit einem anderen Königreich. The kingdom you are living is an evil kingdom. Das Königreich, von dem ihr kommt, repent. Turn around and come to me. Und komm zu meinem Königreich. Are you getting it? Jésus-Christ est venu avec son propre royaume, parce que le royaume dans lequel on se trouve est mauvais. Donc on doit se concentrer sur Jésus-Christ et sur son royaume. C'est ça notre but qu'on doit avoir. Remember when he sent the disciples, what did he tell them to preach? Tell them that the kingdom of heaven is at hand. That's all. Erinnert euch, was er die Jünger geschickt hat, um zu predigen. Was hat er ihnen gesagt? That is all. Sie sollen einfach nur predigen, dass das Königreich Gottes nahe ist, dass es gekommen ist. Our message is different today. Aber unsere Botschaft ist heutzutage anders. Rappelez-vous de ce qu'il a dit à ses disciples quand il les a envoyés en mission. Ce qu'il devait dire, c'était seulement de dire aux gens que ce royaume est proche. C'est tout. Amen. Then he said it was at hand. Now it's here. Damals hat er gesagt, es ist nah, jetzt ist es da. Quand il avait envoyé ses disciples, le royaume était proche, mais aujourd'hui, le royaume est là. Our message today should be, come to Christ, his kingdom is already here. That should be the message, not the message of, you will have a house, you will have a car, you will have a, you know, you have children, you know, that's not the message, because in his kingdom, you cannot be in his kingdom and not have his wealth. Und die Botschaft sollte nicht sein, komm zu Christus, damit du Haus, Autos und Kinder und sonstiges hast. sondern dass das Königreich Gottes da ist und dass wir uns dafür entscheiden sollen. Und in diesem Königreich ist alles, was wir brauchen. Und wir können nicht in diesem Königreich sein, ohne wohlhabend zu sein. Et c'est ça le message qu'on doit donner aujourd'hui. Venez vers, venez parce que le royaume de, du Christ est là maintenant. Et c'est pas que tu vas avoir une maison, tu vas être riche si tu suis Jésus-Christ. C'est que tu peux pas suivre, te soumettre à Jésus-Christ sans avoir toutes ces choses là. It's not about, you know, people preach healing. It's not about healing. It's about His kingdom. If you are in His kingdom, you will be healed. Amen. Are you getting it? In His kingdom, that's why He said, until you, He said, a lot of labor to get into that kingdom. Because there, that very place is where the word is, everything of Christ. Denn in diesem Königreich it's like people are fighting to come to Europe. Ist der Reichtum und die Gesundheit. Les gens ne comprennent pas que ils prient par exemple pour la guérison, mais ne savent pas que dans le royaume des cieux, dans le royaume de Jésus-Christ, il y a tout ce qu'on a besoin, la guérison, la prospérité. Enfin, Dieu même, lui-même, il sait de quoi on a besoin. Il ne va jamais laisser ses enfants en vain. Praise the Lord. Amen. Amen. Look at Daniel 2, verse 44. Daniel 2, Daniel 2. You know, people are never healed. Why? Because they are in the wrong kingdom. The wrong kingdom. Look, you are going to have what that kingdom has. Du wirst das haben, was dieses Königreich hat. Tu vas avoir ce que le royaume possède. You know, those in Nigeria, in Africa today, or let me say Nigeria, or Congo, or Ghana, they cannot get the benefit here. Why? Because they are not here in the country. Mm. Are you getting it? Mm. People, they are not here. They are praying to have the benefit of here. They fast and pray. It cannot work. Mm. That's the kingdom of Christ. And the kingdom of this world are two kingdoms. Different. And you are, Jesus said, until you are like this little child, you cannot enter. And he told us how to go there. How to have it, how to be there. Because once you are there, oh daddy, you will know that you are really there. Du wirst die Resultate des Königreiches haben, in dem du dich befindest. Das ist genauso wie jemand, der in Deutschland hat, wird die Resultate oder wird auch die Vorteile von Deutschland bekommen. Die Dinge, die damit hin, die dazugehören, ein deutscher Staatsbürger zu sein. Diese Dinge wird jemand, der ein Staatsbürger von Nigeria ist, beispielsweise nicht bekommen, weil er nicht hier wohnt. Und so ist auch im Königreich Gottes. Wenn du nicht im Königreich Gottes lebst, kannst du nicht die Ergebnisse vom Königreich Gottes erwarten. Tu peux pas t'attendre au résultat du royaume des cieux si tu n'y trouves pas. Par exemple, quelqu'un qui habite en Afrique va pas bénéficier des biens de l'Europe, par exemple, parce qu'il n'est pas en Europe. Et c'est la même chose avec le royaume des cieux. You know, a fish live in water. Mm. That's their home. Im Wasser, das take ist them out of there. Mm. Natürlicher Lebensraum. It's another kingdom for them. Wenn wir ihn auf das Land legen, wird er sterben. Par exemple, un poisson qui est dans l'eau, il va vivre parce que c'est son... Parce que c'est là où il peut respirer, où il peut vivre. Mais mets-le au bord de la mer, là il va très vite mourir parce que il a besoin de l'eau pour respirer, pour vivre. This will help you to know why things are not working for people everywhere today. The so-called God people. Yeah. Because the true message is not being preached. It's not about weight. It's not about healing. It's not about Satan, the number one desire is that you never understand the kingdom. Der Teufel will, dass du das Königreich nicht verstehst, weil an diesem Mangel an Erkenntnis gehen die Kinder Gottes ja auch zugrunde. Le diable se réjouit si on ne comprend pas ce message. C'est pour ça que la religion, le monde ne prêche jamais vraiment la vérité, se fixe toujours sur sur les fruits et pas la source, pas la racine. Amen. Amen. Amen. He knows that once you are at her, you are at once you are there, it's over with him. Und er weiß, dass wenn du da lebst, dann ist es vorbei mit ihm. Il sait que si tu entres, si tu mets un pas dans, les, dans, dans le royaume de Jésus-Christ, qu'il a plus de, il a plus de chance, il ne pourra plus te, te détacher de Dieu. The Bible said everything they are reserved for us there. The everything, everything Christ has for us, they are there. Denn alles ist im Königreich. Alles, was Jesus für uns hat, ist im Königreich reserviert. Parce que tout ce que Jésus-Christ a pour nous est dans, dans, le, dans son royaume. Daniel 2, verse 44. Are you there already? Daniel 2, Daniel 4, 22. Daniel 2, 44. 44. And in the days of these kings shall God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. And the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Praise the Lord. Amen. The promise of the Father is that we are back into his kingdom. Das Versprechen des Herrn. La promesse de Dieu. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne please. Sera jamais détruit, et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence. Mais lui-même subsistera éternellement. Amen. Matthieu 3, 1 et 2. Praise the Lord. Hallelujah. Matthieu 3, verse 1 and 2. Are we there, please? As he said, in those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea and saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Even John came to preach it. Selbst Johannes kam, um das zu predigen. Même Jean-Baptiste l'a prêché. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il se mit à prêcher dans le désert de Judée. Il disait, changez, car le royaume des cieux est proche. Can you see the message of John? Amen. Pouvez voir le message de Jean-Baptiste. And again in Matthew 4:17, the message of Jesus, repent, for the kingdom of heaven is at hand. The same message. Und auch die Botschaft von Jesus, tut Buße, das Königreich Gottes ist gekommen. Et c'est le même message que Jésus prêche dans Matthieu 4. Are you getting something? The kingdom is not without a king. Das Königreich ist nicht ohne einen König. Le royaume n'est pas sans roi. And it is not without the royal family. Und es ist auch nicht ohne die königliche Familie. Le royaume a aussi une famille royale. And that's why it's a relationship affair. Deswegen ist es eine Beziehung. Are you getting it? Et c'est pour ça que c'est une relation. Praise the Lord. Amen. Matthieu 11, verse 12. Matthieu 11, verset 12. He said, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven. Are you getting something here? The same kingdom that he said is at hand. Das gleiche Königreich, was nahe ist. Le même royaume qui était proche est là maintenant. He says, suffered violence, and the violent take it by force. Praise the Lord. Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence. In Matthew 6, Jesus says, seek first the kingdom of God. In Matthew 6, can you see everything is about the kingdom? Gottes, you know, no one. Just go to church today. But you know, living the evil kingdom, but you have your healing there. No. Can you get it? You don't need. That's why he said, "Don't you know where to seek you? Healing seek you if you are in his kingdom, not outside." Und aber heutzutage. The faster prayer side. They want to make it. You know, you cannot. You cannot change the truth. You cannot turn the truth to become lies. Die Leute leben außerhalb des Königreiches und wollen aber die Ergebnisse vom Königreich. Und das funktioniert nicht. Du kannst die Wahrheit nicht ändern. Tu peux pas changer la vérité. Les gens vivent à l'extérieur du royaume mais veulent avoir les fruits du royaume. C'est pas possible. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Imagine you today. If it is just about forgiveness of sin and not knowing him, how will you be today? Sünden geht, wie wärst du heute? Tu serais comment si pour toi il s'agissait seulement du pardonnement des péchés et pas d'avoir une relation avec Jésus-Christ? The same thing they are doing today. They take salvation. They want to take salvation and reject baptism of the Holy Spirit. Und genauso tun sie das auch mit der Taufe des Heiligen Geistes. Sie akzeptieren die Errettung, aber die Taufe des Heiligen Geistes verurteilen sie. Wollen sie nicht? C'est la même chose. Par exemple, ils veulent, ils acceptent le salut, mais ils négligent ou rejettent le baptême du Saint-Esprit. They take forgiveness. They are after forgiveness of sin, but not after knowing him. Have the relationship with him. Being in his kingdom. It's too hard. Wollen die Vergebung der Sünden, aber sie wollen. It's true, no one can be dead. That's why I said he get. That's he knows that without him no one can be dead. That's why he gave us the Holy Spirit to help us. Amen. Sie sind Feuer und Flamme sozusagen für die Vergebung der Sünden, aber sie haben nicht diese gleiche Energie, wenn es darum geht, eine Beziehung, lebendige Beziehung mit Jesus Christus zu haben. Ils veulent à tout prix avoir. Non, ils veulent à tout prix que leurs péchés soient pardonnés, mais ils ne veulent pas du tout avoir une relation avec Jésus-Christ. Là, ça nous montre qu'ils veulent peut-être avoir leur salut, mais pas vraiment une relation avec Jésus-Christ. Parce qu'avoir une relation avec Jésus-Christ, c'est rejeter vraiment ce monde. You know, people are having headache. They are giving their stomach pain tablet. Es ist so wie jemand, der Kopfschmerzen hat und er kriegt die ganze Zeit Magentabletten verschrieben. C'est comme si une personne avait mal de tête. Can you see churches today? Very contre, funny. Contre les douleurs d'estomac. Das ist so merkwürdig in Gemeinden heutzutage. Et c'est ça qui est paradoxe. Amen. Amen. And you know people wonder why our truth is not working. Yeah, they will never work until we submit to Christ. And call what he called is, we call them with the names he called things, that is what we call things. How he sees things. Well, you know what he revealed everything to us, what he killed, his purpose of coming. There's a place he said, my purpose, why am I not even there? Amen. Amen. What happened? What happened? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. There's a place I wanted us to go to. Where he said the purpose of his coming. Amen. He said, for this purpose have I come. Deswegen ist er gekommen. Amen. Okay, let us turn. Die Raison pour laquelle il est venu. I'm coming. That's the place I want us to go to. Maybe I didn't write it yet. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let me see if it is here. Amen. Amen. Amen. Oh, that beautiful place. Praise the Lord. Hallelujah. I'm sure it's in the main next message. Amen. Amen. I wrote it down, but I'm sure it's in the next message. Amen. Amen. Where he said, for this purpose have I come, that I might preach the kingdom to them. Check your internet. Check it. Those of you that have. This purpose? Have I come to preach the kingdom? I come into the world. John 12. I see the mirror one. John 18, vielleicht? Matthew, check that of Matthew. John 18, what? Steht. Praise the Lord. Was sagt er denn genau? For this purpose have I come to preach. I must go to the other city. For this purpose have I come to preach the kingdom of heaven to them. To preach the kingdom to them. Also, ich habe was anderes mit der Wahrheit. To preach the truth. To preach the kingdom. Lukas 4. That is it. I have it in the lesson. Lukas 4:43. Amen. Lukas, he said, and he said unto them, I must preach the kingdom of God to other cities also. For therefore I am sent. Amen. Can you see the message? That is not about what people are talking about today. What churches are talking about, they are so wrong. And that is why it is not until we are after, you know, we are just to allow him. Allow him to be him. Allow him. Mystery is too much. Lass zu, dass er bleibt, denn viele Leute verwässern die Wahrheit. Donc, on doit permettre à Dieu à se manifester dans notre vie et pas essayer de polluer sa vérité au lieu de changer. Parce que lui-même dit, je dois aussi annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes, car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. He did not say, the reason I came is to forgive them their sin. He said to preach, I'm sent to preach the kingdom to them. Can you see it? It's there everywhere in the Bible. Wir sind es vergeben, wir kommen, um das Evangelium vom Reich Gottes zu verkündigen. Lui-même, il dit qu'il est venu, la raison pour laquelle il est venu est de nous ramener vers le royaume des cieux et pas seulement pour pardonner les péchés. But how many? You cannot even hear it anywhere today. That's why we cannot hear it. Amen. Et on l'entend rarement, même jamais aujourd'hui. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And that's why you don't even need to preach healing, preach all those things. All you need to do is just help them to come into the kingdom. Help them to know the kingdom. Then everything will work by itself. That's all. Dann brauchst du gar nicht über Heilung und Reichtum zu predigen, denn alles andere wirkt dann selbst. Et c'est ça qu'on doit donner à nos prochains. On doit leur faire comprendre qu'ils doivent venir vers Jésus-Christ, qu'ils doivent accéder au royaume. Et là, ils auront peut-être leur guérison ou ceux qui y cherchent. Leur motif va de toute façon changer, mais ce qu'ils ont besoin, c'est vraiment Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. No one could bring his kingdom. The kingdom of heaven, except Christ alone. Niemand konnte das Königreich des Himmels bringen, außer Christus selbst. Personne n'a pu ramener le royaume des cieux à part Jésus-Christ lui-même. And oh, you know, you can hardly see it there, because it was because no one, you know, it takes his own blood to have his kingdom. It takes his blood to have his kingdom. Er braucht sein Blut, um sein Königreich zu haben. Pour avoir son royaume, on avait besoin de son sang. He said, blessed are those that are born into his kingdom. Blessed. He said, you know, is it not in Luke? Bénis sont ceux qui sont nés dans son royaume. Romans 4. Go to Romans 4. Let us close with Romans 4. Romains praise the 4. Lord. Alléluia. Romans 4. On va clôturer 4. Avec Romains 4. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Amen. You know, David, this period, this time. Look at, let us just go to only verse 9. Romains 4, verse 9. Verset 9 seulement. Praise the Lord. Alléluia. Oh, look, it's better verse 6. Go to verse 6. Verse 6, plutôt. He said, even as David also described the blessedness of the man, unto whom God imputed righteousness without work. He's talking about the kingdom of heaven. De même, David déclare béni l'homme que Dieu déclare juste sans qu'il ait produit les œuvres qu'exige la loi. Et là, on voit encore qu'il parle du royaume des cieux. Are you getting it? Because if you are there, Christ is the one working for you, and not you working for yourself. Wenn du dort bist, ist es Christus, der für dich arbeitet, und nicht du, der für sich selbst arbeitet. Parce que si tu es là, c'est Jésus-Christ qui travaille pour toi et en toi et pas toi-même. He works for you, and not you working for yourself. You know, from the beginning, you know, if you go to Genesis, you know, he was the one working for Adam. Adam was not there when everything was created. The world and everything. The garden. Amen. Adam gearbeitet. The world and everything. Même dans Genèse, c'est Dieu qui travaillait pour Adam. Adam n'était pas là quand Dieu a tout créé. He did not. Adam did was not the one that made the garden and everything. Everything that he owns. Everything was given to him by God. Alles wurde ihm von Gott gegeben. Tout ce qu'il possédait. Qu'il possédait lui a été donné par Dieu. It was not by Adam's work. Es war nicht durch die Werke von Adam. C'était pas à travers son travail. It was by Adam believing on God, the righteousness. Mm-hmm. Sondern es war, dass Adam einfach an Gott, an Jesus Christus geglaubt hat, die Gerechtigkeit. And everything belonged to him. Il a tout reçu à travers sa justesse en Dieu. Donc, et Dieu lui a tout offert. Adam believed his kingdom, and everything in his kingdom belonged to him. And when Adam was driven out of his kingdom, then Adam now started walking by himself. Adam hat dem Königreich geglaubt, aber als dann aus dem Königreich verbannt wurde, musste für sich selbst arbeiten. Le travail d'Adam a commencé après la chute de l'homme. Remember the curse. After sweat, we are going to have everything. Ein Fluch. Before then, there was nothing like that. Yeah. It was the Lord preparing everything for him. C'était une malédiction. Be enjoying, let me work for you. Just like a baby. My children here, Sarah and all that, you know. And their parents, you know, they never do anything. They just sleep and say, hey. They sleep and say, hey. You know, they never, the parents, they are the one going to job doing it. That is Christ and you. But today, because we are not even with our parents. Imagine if these children are not with their parents, they will suffer the same thing. I don't know if you are getting it. Mm-hmm. If you are not with them, you are outside. You will suffer the same thing. But if you are with them, they are there to take care of you. Amen. If you are in his kingdom, he take care of you. Amen. Praise the Lord. Amen. Tant que tu es dans la présence de Dieu, tant que tu es dans son royaume, c'est lui qui s'occupe de toi, c'est lui qui prend soin de toi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. All inclusive.